Belo Porto e também para Lisboa. 13 graus para Coimbra, 12 para Castelo Branco e Porto Alegre, 10 para Viseu, 9 Vila Real, 8 Bragança e 6 para a Guarda. Antena 1. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, bon dia la famille à la planète, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, vous avez passé une agréable nuit. Aujourd'hui, on est pas mal côté météo, il y aura du soleil cet après-midi, ça c'est la bonne nouvelle. Ce matin c'est assez nuageux, les températures au lever du jour, 4 petits degrés sur Orléans, Saint-Jean-de-Bray, Fayolleux, encore Chessy, 4 petits degrés au lever du jour, on ne dépassera pas les 8 voire 9 degrés, et le soleil devrait faire son apparition cet après-midi, c'est ce que je vous disais. Donc on va être bien, on va pouvoir peut-être bronzer après le boulot, pourquoi pas, ça serait bien. En plein mois de janvier, en tout cas, on vous souhaite une très très bonne journée. Courage à tous ceux qui vont au taf, là, les lèvent tôt du matin. Hier, vous étiez plus de 40 000, je crois, à manifester. Bravo, bravo, hein, pour non à la retraite à 64 balais. Justement, vous voulez témoigner, vous m'appelez aujourd'hui 02 38 43 48 00. Et puis justement, en parlant de témoignage, aujourd'hui, on fait une petite spéciale mytho. Vous connaissez des mythos dans votre famille? Vous avez fréquenté un mytho? Ou même vous, vous êtes mytho? Vous passez incognito, il n'y a pas de problème, vous nous appelez. 02 38 43 48 00. C'est la petite matinée comme ça avec vous. Spécial mytho. On aura un invité justement tout à l'heure qui sera là pour nous en parler. Il connaît, il a connu des mythos, il nous en parlera en direct. Et puis vous, si vous voulez témoigner, eh bien 02 38 43 48 00 pour bien démarrer du son caliente sur Radio Arc-en-Ciel. On aura bientôt le boss au téléphone. De Lucenzo, ah ça c'est le gros scoop de la radio, c'est tout un clic, Don Omar, Daddy Yankee, Akon, Pitbull et Lucenzo. Empieza, no verás.

ven que yo tengo vontade de te amar. Não sei como podes duvidar. Sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. Se réveiller avec la kizomba comme ça au réveil, peut-être vous, de l'autre côté de la radio, sous la douche, au petit déj. Moi je suis au croissant. Notre invité tout à l'heure, ce sera Pascal qui sera là. Justement, il va nous parler de il y a quelques histoires de mythos. On aura aussi certainement Sabrina au téléphone et puis d'autres personnes qui veulent témoigner. 02 38 43 48 00. Si vous avez une belle histoire à nous raconter avec, avec un mytho qui vous est arrivé, eh bien vous vous lâchez ce matin. C'est le numéro du standard 02 38 43 48 00. Et est-ce que vous étiez à la manif hier? On peut aussi nous en parler, hein, vous nous appelez sur le standard en direct ce matin. Et puis Cathy Perry qui arrive avec Firework. On vous souhaite une bonne matinée. Coucou à Jérôme qui vient de se connecter. Jérôme qui est déjà parti au boulot ce matin, ça y est. Courage à tous les leftos là, chauffeur, livreur. Salut mon poteau. Ah ouais, il faut livrer les magasins hein, si vous voulez manger à midi, pareil. Cathy Perry, le remix Firework. 7h09, belle journée, bon réveil, firework, le feu au boulot, c'est ce que ça veut dire. En gros, j'espère qu'il n'y a pas le feu au boulot, on va l'accueillir tout de suite au téléphone et rien éviter. Mon rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et on est là en direct depuis Orléans, il est avec nos téléphones. Bonjour! Bonjour à tous les auditeurs. Attends 30 secondes, il y a mon chef qui passe. Ah bah s'il y a le chef qui passe, regarde ce qu'il ne dit pas. Hein. Attends 30 secondes. Firework, Katy Perry, il y a peut-être le feu au boulot, le chef qui passe, c'est bon ça en direct. Ah j'adore. Ouais, toi. Ouais, ça va, ouais. Alors, là, c'est sympatoche ça, les directs comme ça, quand le matin, il y a le boss qui passe à côté de vous. C'est bon, il est parti. C'est bon, il est parti le boss, tu l'as viré? Hein? Non, pas encore, ça va leur coûter cher. Il est sympa le chef? Je préfère pas répondre si ça gêne pas. Non, tu peux, hein. Tu fais comme tu veux, mon ami. Et hein. Comme tous les chefs. Hein. Bah ouais, ils sont sympas alors. Bah, ils sont sympas quand ils ont besoin de nous et cons quand ils ont pas besoin de nous. Ouais, bon, enfin. Bon, comment il va bien? Bah, ça va tranquille et toi? Bah écoute, on est bien. Et on parle de mythos ce matin, tu as. Oh bah, hey, t'en connais des mythos, quoi? J'en ai plein dans ma société, des mythos. Ah ouais, moi. Mon gars, si tu les écoutais, ils ont tout fait. Ouais, ils ont tout fait, ouais. Ah, ils ont tout fait, ils ont tout gagné, ils ont fait ci, ils ont fait ça. L'autre jour, il y en a un qui m'a dit qu'il a gagné 430€ au tiercé à la machine. Je lui ai dit, ouais, ok, d'accord. Et c'était vrai? Non, je pense pas, hein. Ah ouais? Non, mais les mecs, ils te racontent des conneries. Ouais. Toi, tu fais, ouais, j'ai gagné ça. Bon, en fait, Non, rien du tout, en fait. Ouais. Ouais, mais moi, je bosse qu'avec des mythos. Ah ouais, carrément. Toi, c'est un nid, en fait, un nid de mythos, là, chez toi. C'est ça, c'est un nid de mythos, ouais. C'est pour ça que je préfère rester anonyme. Ouais, vaut mieux. Bah, c'est pour ça que j'ai pas donné de prénom, j'ai rien donné du tout, mon ami. Non, mais t'as bien fait, hein. Bon, comment ça se passe ce matin, le boulot? Ouais, je suis déjà au taquet, là. Ça fait déjà une demi-heure que j'y suis, là. J'en ai déjà marre. Ça va, il fait pas trop froid ce matin, on va dire. Hein. Non, on est bien là, ça va là. Dans l'entrepôt, on est bien là, dans l'entrepôt. On peut laisser les portes ouvertes. Ouais, ah bon, bah ça va, c'est la bonne nouvelle. Moi ce matin, je suis parti de chez moi, j'ai croisé une fille, elle était en pull, juste en pull, hein, tu vois. Ah ouais? Ouais. Bah donc je me suis dit il fait pas trop froid. Bah non, bah ça va pour l'instant, il fait pas trop froid. En plus là, c'est comme tu dis, c'est un froid sec. Voilà, c'est ça. Ça fait du bien. C'est mieux que l'humidité. Ça, bah ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, non, mais là, on est pas mal. Là. T'as commencé à quelle heure, toi, le boulot? Bah là, je suis arrivé au boulot, il était 7h, à peine 7h. Ah ouais, et tu finis à 17h30. Oh, bah ça va être une belle journée. Ouais, ouais, mais longue journée. Les journées sont longues. Ah, c'est long, hein. Bah c'est ça, faut bosser, mon ami. Hein. Ouais, bah, c'est ça. Est-ce que t'as eu le temps d'aller un peu manifester, toi, hier? Non, malheureusement non, moi je suis pas syndiqué. Bah oui. Dans la boîte où je suis, c'est un peu mal vu d'être syndiqué, donc j'ai pas été. Ouais, parce que ceux qui vont manifester, ils sont pas payés en gros, c'est ça. Hein. Ouais, ouais, puis là où. Après, vous avez le droit, hein, on a le droit d'y aller. Hein, on a le droit, mais je pense que pas c'est payé. Mal vu. Ah, c'est mal vu, ouais. Je pense que c'est mal vu. Bon bah écoute, hein, fais pour le mieux, mon ami. Hein. Ouais, non, mais c'est pas grave, hein, on fait comme avec. Hein. Bon, jusqu'à quelle heure là tu bosses? Là, je te dis 17h30, du lundi au vendredi. Oh, c'est bien, t'as une pause à midi quand même. Ouais, midi et jusqu'à 13h30. Bon, ben merci de ton appel. Bonjour à tous les mythos de ta boîte. Ouais, merci. je vais peut-être venir chanter samedi. Hein. Faut quand voir tu veux, un ancien s'il veut venir, mais normalement, peut-être que samedi on vient. Bah, viens chanter, y a pas de problème, on est là, nous. Ok. Ouais, non, mais je me doute bien que t'es là. Mais c'est. En fait, si je suis pas nu, c'est que j'ai fait le mois sans alcool, moi. Ah, t'as fait un mois sans alcool? C'est bien, ça? J'ai fait le drive jambrerie, là. Ah, ouais, d'accord, jambrerie, d'accord. Ouais, le mois de janvier sans alcool. Le mois de janvier sans alcool. Donc, c'est là, c'est bon, je peux me mettre à boire, donc je peux me mettre à ressortir. Ouais, je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mon ami. Non, hein. Mais quand je dis boire, c'est avec modération. Bien. Ah, oui, on est obligé. Ouais, le matin, la radio, t'imagines, on va pas s'enfiler un Sky tout de suite, là. Hein. Ah, pas encore. Je vais raccrocher, je vais aller boire un café. Ah, ouais, nous, on est au café aussi, hein. Nous aussi, on est à fond, on est au café dans les studios, là. Ah bah tu vois, moi je vais aller à la machine, je vais aller boire un petit café tranquille. Ah bah nous ici c'est gratuit, tu vois, on a le café. Ah gratuit. Moi j'ai une clé, moi c'est 31 centimes avec la clé. Ah bon bah ça va, on va passer boire le café chez toi alors. Eh bah t'es le bienvenu hein. Eh bah un de ces matins on passera boire un petit café, y a pas de problème mon ami. Ok bah ça marche. Passe une belle journée. Merci, puis j'en profite pour passer un bonjour à tous les mythos de France qui vont passer à la radio s'ils ont le courage de passer. Ah ouais, donc on vous rappelle ce matin une spéciale mytho, toi tu nous racontais une petite histoire avec toi tiercé, là c'était sympatoche. Si vous voulez nous appeler, allez-y, lâchez-vous, 02 38 43 48 00, une belle histoire de mytho. Peut-être que vous-même vous êtes mytho, il y en a. Il y a même des bagnoles, j'ai vu des bagnoles mytho qui s'appelaient mytho, c'est sympa. Hashtag mytho. Voilà, bon merci mon ami. Je t'en prie, mon Francky. Belle journée, salut. À plus tard, bon courage à toi. En direct ce matin, vous êtes mytho, vous êtes pas mytho, vous en connaissez. Eh bien, vous nous appelez 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard Radio France 96.2 FM. Merci d'être là le matin, ça nous fait plaisir. De toi, je te suivrai de Madrid à Barcelone. soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Un bonjour à l'antenne ? Appelle le 02 38 43 48 00. Ça fait du bien, t'as fonctionné le Blues Brothers Band. Respect, heureux d'être là, c'est Francky dans la radio, 7h33 côté ciel aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, 4 degrés pour démarrer cette matinée. On dépassera les 8 voire 9 degrés et normalement le soleil devrait faire son apparition tout au long de cet après-midi. Ça va faire du bien et un peu de soleil justement, El Rios del Sol qui arrive. Bon dia à la planeta et la familia, c'est Francky dans la radio, on est là jusqu'à 9h. Yo soy loco cuando lo muevo así. Tú encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así. Así que no hay... soy loco cuando lo muevo así. Duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí. C'était France 5 qui fait du bien, le Rayos del Sol, la Latine à Paris, on est là. Ouais, pour vous souhaiter une belle journée, 7h36. Francky au réveil, salut Daniel qui est connecté, qui va au taf ce matin. Salut mon ami, belle journée à toi. Marjolaine qui est là aussi, Marlène qui est là, Vanessa qui est là. Et justement, Vanessa qui est fan de Tiad. Tiad, hier, il était notre invité, le chanteur orléanais. Et il est parti après sur une autre grosse radio, mais il est venu d'abord nous voir. C'était la priorité. Ah ouais, mon ami Titi. Justement, son nouveau single qui est disponible dans les bacs. Et écoutez-le et téléchargez-le légalement, je peux vous dire, on adore la radio. Voici Tiad, un jour parfait, c'est en exclusivité et c'est déjà sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée, bon réveil si vous êtes arrivé du côté d'Orléans. C'est Tiad. C'est un jour de sous les ponts, l'eau passe et laisse. C'est un jour perdu sans preuve de ton amour, hélas. C'est un jour sans but, les gens sont fous, parfois sans rien. C'est un jour lointain. C'est un jour parfait. L'Orléanais, un jour parfait. Il était notre invité hier matin sur la radio en direct. Ça me fait le plaisir de le retrouver, son petit titre, la sympatoche, un jour parfait. Heureux d'être avec vous. Salut à Josie qui est connectée. Salut Francky, belle journée. Je vais au taf, je commence à 8h dans moins de 20 minutes. Bon courage Josie, vous avez peut-être manifesté hier. Eh bien vous m'appelez, tiens, 02 38 43 48 00. Et une matinale, on a déjà deux témoignages, une spéciale mytho ce matin. Vous connaissez des mythos, vous êtes peut-être mytho vous-même. Eh bien, vous nous appelez au 02 38 43 48 00. Si vous avez une petite anecdote, une histoire, eh bien, lâchez-vous. 02 38 43 48 00. Avant tout là, Quando Volveras, Bandia la planète. Oh. son rayon de soleil dès 7h du matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Fanny, Jim, Malden, la musique dans la peau, la reprise des Zouk Machines, c'était dans les années fin 90. Et on adore sur la console, belle journée, bon dia, la planète et la familia, c'est Francky dans la radio, il est bientôt 7h48. Son rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. On le rayon sous le sol et ne ratez pas le bal de la Saint-Valentin. Ah, gros bal de la soirée Radio Arc-en-Ciel. Ça sera le samedi 11 février, hommage à Linda de Souza. Sur scène, le groupe Toca Danza. Ça va envoyer, là, je peux vous le dire, du Portugal, là, Forza. Il y aura plein de d'animations, il y aura plein de choses pour vous faire plaisir, pour danser, pour faire la fête avec nous. En tout cas, jusqu'à l'aube, jusqu'au petit matin, comme dirait la présidente. Samedi 11 février, le bal de la Saint-Valentin. L'entrée gratuite pour les moins de 10 ans. Les adhérents, c'est 8 euros. Les non-adhérents, 10 euros. Voilà, c'est à Montition, à Saint-Jean-le-Blanc. Toca Danza, bah justement, ils arrivent, ils seront sur scène de la radio au Portugal. Forza, bal de la Saint-Valentin. 11 février à Montition, ils seront sur la scène. Bye. especial. A fome caminha nas ruas e a fortuna tem motorista. Essa escrava imparta em meio de um mundo oportunista. Quem me dera não ter bolsos para o meu bolso não roubar. Melhor mesmo é ser malandro, assim tens mais que ganhar. Olha o povo português, gente boa e de trabalho. Cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombado. Olha o povo português, gente boa e de trabalho. Cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombado. Olha o povo português, gente boa e de trabalho. Cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombado. Olha o povo português. Une soirée de pas loupée, je vous rappelle, hein, samedi 11 février à l'espace Confession, le bal de la Saint-Valentin, Radio Arc-en-Ciel, ils seront sur scène, Tokyo Dance, avec tous les animateurs en salon pour faire la fête à la fiesta. Alors, bon dia à la planète, à la familia. Coucou Eduarda qui est connecté du côté de la chapelle Saint-Mémin, qui va bosser, qui commence dans moins de 10 minutes, elle est en retard, elle me dit, oh là là là là, Texol, tut tut tut tut, un demi-cama. J'espère que vous êtes tous dans la chambre à ce temps-ci, parce que sinon, vous êtes à la bourre, hein. J'adore. Moi aussi, Nicky Yam, sur Radio Arc-en-Ciel. Bon réveil et belle journée. Nekeyam, 7h54 minutes, welcome la famille Bandia. Si vous êtes arrivé, Orléans, Pithiviers, Saint-Jean-de-Bray, vous nous écoutez aussi sur le site. Je disais, à l'île de la Réunion, on nous écoute Marie-Hélène. On a parlé justement pour aider sa petite gamine, on a mis le lien sur le Facebook, là n'hésitez pas à filer un peu de thunes pour la cueillette Litchi, pour qu'elle revienne en France. Et ouais, pour soigner sa petite gamine, on pense à elle. Les bons plans de la passerelle, c'est tout de suite sur Orléans et c'est à Fleury-les-Aubrais la passerelle. Avec Arc-en-Ciel, voici les bons plans de la passerelle. Les bons plans de la passerelle, ça se passe vendredi. Du théâtre, de la magie, ça c'est bien. Ah, les monstres parlent aux monstres. Vendredi 3 février à 20h30, à partir de 6 ans. Pour tuer le temps, deux vampires mélancoliques créent une galerie de créatures irréelles. Un spectacle de magie et de théâtre à ne pas louper. C'est ce vendredi à la passerelle à Fleury-les-Aubrais. Ah, les monstres parlent aux monstres. Ouais, j'ai vu, franchement. Vous allez voir, vous allez bien vous marrer et c'est un beau et vrai spectacle à ne pas rater. Vary White qui arrive pour les souvenirs et puis un peu de sensualité. Ça fait du bien le matin pour aller au boulot. Vous en êtes à la porte du bureau ou sur le chantier. Chauffeur livreur, je les salue, ils sont nombreux ce matin à nous écouter. Il y a Pascal qui est en train de livrer là vos colis. Voici la reprise d'Accéléré des sensualités. Belle journée et Bandia à la planète. Jamais je n'aurais pensé. Belle reprise d'Axel Red, sensualité. Ah, qui n'a pas chanté ça au karaoké, dans un bar, dans un resto? C'est sûr, vous peut-être. Eh bien, vous m'appelez, tiens, 02 38 43 48 00. Vous êtes des mythos? Eh ben voilà, appelez-moi. 02 38 43 48 00, une spéciale météo aujourd'hui. N'hésitez pas, lâchez-vous le son fond derrière. La météo qui arrive. La météo. La météo pour aujourd'hui, le ciel est très nuageux ce matin, mais le soleil devrait faire son apparition au long de la journée sur Orléans, Pithiviers, Saint-Jean-de-Bray, encore la chapelle Saint-Mémin. Des températures plutôt pas mal, on va dire, ce matin au lever du jour, 4 à 5 degrés. On ne dépassera pas les 8, voire 9 degrés. Demain, on va gagner un petit degré et le soleil devrait être là. Aujourd'hui, entre les nuages, ça va faire du bien. Ça va vous réchauffer le cœur. Pour vous réchauffer le cœur, il nous a quitté il y a bientôt 20 ans. Eh, ça passe, franchement, ça passe à une vitesse. Le king, la soul music, le roi, quelle voix, quel maestro. Voici Barry White, let the music play, et puis on aura aussi Amel Ben pour les souvenirs. chanter, j'ai envie de crier dans la voiture. Vous êtes peut-être dans les embouteillages là, Vanessa qui est là, salut Francky, belle journée. Non, c'est pas la même, c'est une autre Vanessa. Belle journée à toi aussi, il y a les chauffeurs livreurs qui m'ont envoyé un petit message. Vos colis arrivent, ne vous inquiétez pas. Bah ouais, ils sont à fond déjà sur les routes. À 8h pile du matin, l'horoscope qui arrive dans moins de 15 minutes. Et puis le meilleur des souvenirs tous les matins. On vous en est au bureau ce matin avec Amel Bent. Et les débuts d'Amel avec Ma Philosophie. Qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Mais toujours le point levé, fais la tête, fais le torse, sans cesse redoubler d'efforts. Finalement laisse pas le choix, je suis là qui bat le roi. Incessante, moi je lèverai le poing. Encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur. Mais ma lusure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles. Des visages qu'on déshabille. Moi j'ai des formes et des rondeurs. Ça sert à réchauffer les cœurs. Vivre dans un quartier populaire. J'ai appris à être fier. Bien plus d'amour que de misère. Bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie. Être accepté comme je suis. Avec la force et le sourire. Point levé vers l'avenir. Et la tête, et le torse. Sans cesse redoubler. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis là, qui bat le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur. Mais ma lusure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. J'en ai déjà fait 8h05 en direct avec les meilleurs des souvenirs, Amel Bent, Philosophie et les petits bordelais qui arrivent pour Nadan. Ah, il y a bientôt 18 ans, ça passe à Jimmy Ayaman ou à 8h04 en direct. Que je préfère C'est quoi les baïdes pour toi ce big style gal? Mégal, mégal, mégal. Tu veux savoir pourquoi faut pas ça part en freestyle? Parce que one, tu seras toujours ma number one. Two, oublie les jaloux, on s'en fout. Three, c'est toi qu'il me faut à tout prix. Mon cœur le crie sans toi, c'est du retour, tout est gris. J'ai dit four, j'ferais tout pour que tu m'aimes encore. Caresser à nouveau ton corps le soir quand tu dors. 5, 6, 7, 8, 9, j'suis canane. Quand j'y pense, la tristesse me gagne. Hey, girl, écoute-moi. Vous avez fredonné cet air il y a quelques années. Oh là là, Jimmy Ayaman ou un sur un arc-en-ciel. Courage à vous si vous allez au taf. Hein, 8h09, on est en direct. Les mythos, est-ce que vous êtes mythos? Vous connaissez les mythos? Bah vous nous appelez comme Stéphane qui nous a appelé ce matin au 02 38 43 48 00. Il y a 2-3 mythos qui nous ont appelé déjà. Alors c'est peut-être des mythos, hein, des vrais. Hein. En tout cas, vous pouvez le faire. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Eh ouais, on vous souhaite une excellente matinée. Courage à vous pour le taf. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard si vous allez bosser. Eh bien, courage. Et hier, vous étiez nombreux, hein, je crois 40 000 à Orléans à manifester. Vous étiez peut-être dans le cortège de manif. Eh bien, vous pouvez vous lâcher, m'appeler, voir comment ça s'est passé. 02 38 43 48 00, c'est le standard. Le collectif métissé qui arrive, ça c'est la vie, c'est tout de suite. Et puis, on aura un invité aussi, un mytho peut-être ou pas. Il y a quelques anecdotes à nous raconter en direct ce matin. À 8h08, il arrive dans moins de 10 minutes sur l'arc-en-ciel. Le collectif métissé, c'est la famille de Bordeaux et c'est la vie, et c'est tout de suite. On va s'aimer. va s'aimer, on va danser. Bah oui, vous aussi vous chantez dans la bagnole, j'en suis sûr. Le collectif BTC, la prise de Khaled, c'est la vie, l'horoscope qui arrive. Et puis les mythos, peut-être que vous, vous êtes mythos. Eh bien, on va les recevoir dans quelques minutes en direct sur le 96 FM. L'horoscope, c'est maintenant. Alors l'horoscope, on démarre avec les béliers. Les béliers, vous n'aurez pas votre pareil, vous renversez tous les obstacles qui pourraient vous empêcher d'être auprès de votre bien-aimé aujourd'hui. Les taureaux, gais et décontractés, vous êtes plus disponibles pour votre partenaire. Les gémeaux, la vie quotidienne et les circonstances semblent dynamiser votre couple aujourd'hui. Les cancers, quelle que soit la situation, ne tirez aucune conclusion hâtive. Les lions, heureuse nouvelle aujourd'hui, vos amours auront les faveurs du ciel. Ah, ça c'est bon ça, ça va tomber du ciel aujourd'hui pour vous. Les vierges, ne laissez pas planer le doute dans votre vie familiale. Les balances, si vous êtes solitaire, une rencontre inattendue pourrait vous faire beaucoup d'effets. Ah, peut-être la machine à café, ça se trouve aujourd'hui, hop, le coup de cœur. Les scorpions, vous vous sentez de plus en plus épanoui en couple, vous êtes sur la même longueur d'onde. Les sagittaires, pour certains natifs, une grande passion peut être vécue dans la discrétion et le secret. Les capricornes, une difficulté que vous esquivez depuis longtemps au sein de votre couple remonte à la surface. Les Verseaux, rire et câlin, c'est le programme de cette matinée. Alors allez-y, tout est permis aujourd'hui. Et enfin, les poissons, vous nagez dans le bonheur. Ah oui, celle-là, elle est facile. Vous débarrez au quart de tour aujourd'hui. La moindre remarque vous semblera une critique. Mais non, le positif, c'est super important. Aujourd'hui, vous allez où vous voulez, mais nous, on y va. Avec Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, Dylan Caraïbo, j'irai où tu iras. Belle journée et bon réveil, 8h15. Dans les rêves et la vie, démonter ta mère, crée ta langue et décide. Compléter la cour et la fille de l'air. Nous sommes à Jean-Jacques Goldman, j'irai où tu iras. Vous allez où vous voulez, au bureau ce matin, au bureau peut-être. Courage à vous pour le taf, on est en direct comme tous les matins. Notre invité qui arrive dans moins de 10 minutes. 02 38 43 48 00, si vous connaissez l'invité ou si vous avez une petite anecdote, et bien vous m'appelez 02 38 43 48 00. Et puis notre invité aussi, il est là régulièrement, Alex Lebail, que vous connaissez par cœur. L'Orléanais qui cartonne, et oui, nous aussi on l'aime sur l'arc-en-ciel. De chaleur, comme si d'un coup j'avais un cœur. Comment mourir à ce désir de dévoiler un jour notre avenir? I can't explain, but I will find a song that can. Appelle le 02 38 43 48 00. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Yeah! people fighting, people happy, people jamming on the party station. Oh Lord. Souvenir ça, qu'est-ce qu'on a dansé là-dessus en boîte à l'époque? Ah là là, on en a fait des fêtes. Docteur Alban, sing Alléluia, le meilleur son des années 90. Heureux d'être avec vous, c'est Francky de la radio. Pascal qui arrive, notre invité justement, est-ce un mytho ou pas? On va le savoir dans quelques minutes. La météo qui arrive aussi sur la Rancel 96 FM. La météo. Et la météo aujourd'hui, le ciel est très très nuageux ce matin, comme vous pouvez le constater au lever du jour. Les températures un peu fraîches quand même, hein, 4-5 degrés au lever du jour. Le soleil devrait faire son apparition au long de la journée. Les températures qui vont grimper tout doucement jusqu'à 8 voire 9 degrés maximal. La meilleure journée de la semaine, ça sera vendredi avec des 11 degrés et du soleil. Ah, le soleil qui va faire son apparition. Le soleil donne, il arrive. C'est Corneille sur la France, puis Pascal notre invité dans moins de 5 minutes. On aura aussi Sabrina au téléphone. Est-ce une mytho? Eh bien on le saura dans quelques minutes. En direct ce matin à 8h25 et Corneille, le soleil donne. Tous un peu frères, le soleil de oh, oh, oh, le soleil de leur intelligent, le soleil de la même couleur aux gens, la même couleur aux gens, gentiment. Le soleil de oh, oh, oh, the gold keeps coming down in the sundae. soleil donne. Bah, on aimerait bien qu'il y ait du soleil aujourd'hui sur Orléans. Ce serait bien quand même. Un peu de soleil, ça ferait du bien. En direct ce matin, 8h28. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a comme mytho ce matin à la radio? Voyons, il y a Sabrina qui est avec nous au téléphone. Bonjour Sabrina, Bandia. Bonjour la famille, comment ça va tout le monde? Bah ça va, et toi comment tu vas bien? Bah écoute, ça va super bien. Alors un peu fatigué, un peu malade, mais ça va. Ah bah ça va, on est au téléphone, tu vas pas nous refiler tes microbes alors. Il y a Pascal qui est avec nous, ouais. Ça va Pascal? Oui, super Francky, merci. Ça va la forme? Je suis un peu loin de vous hein, quand même. T'es vers quelle ville toi? Alors moi je suis de Cluses, entre Annecy et Chamonix. Ah, il y a de la neige alors là-haut, non? Oui. Ah, de la chance alors. Nous, bah, Orléans, c'est pluvieux, c'est nuageux, c'est grisâtre. Ah, mais c'était beau Orléans sous la neige. Ouais, c'est beau, mais c'est fini maintenant la neige à Orléans. Oh, mais c'est normal, il fait trop plat là-bas. Eh ouais, c'est ça. On parle de mytho ce matin, justement. Toi, tu voulais nous dire peut-être une anecdote, alors une histoire, ou alors toi-même, tu es mytho, non? C'est quoi le truc? Non, c'est une de mes amies qui a vécu une histoire avec un sacré mytho. Ah, tu peux vite fait nous raconter, là, qu'on se marre un peu. Vite fait. Ouais, vite fait, hein. Vraiment vite fait. Ouais. Tu veux, pendant quelques mois, elle avait une relation avec quelqu'un. Ouais. Et en fin de compte, cette personne lui a fait voir, croire monde des merveilles, tout ça, plein de choses. Ouais. Et quelques mois après, elle a appris que cette personne, elle avait quatre gonzesses en même temps. Ah, carrément, ouais. Ah ouais. Bah, ça, il y en a un paquet, hein, que ce soit les mecs ou les filles, hein. Il y a les deux côtés, hein. Mais voilà, c'est le gros mytho que je viens juste d'apprendre. À l'instant, là, il y a qu'aujourd'hui, c'était... Il y a quelques jours. Ah ouais, quelques jours, ouais. Ça a dû lui faire bizarre, hein, ta copine, quand même, d'apprendre ça. Elle est dévastée, hein. Surtout quand tu tombes amoureux ou amoureuse, hein. Bah, elle est dévastée, et puis la personne, elle n'a pas eu une seule excuse de sa part, rien du tout. Il continue dans son mensonge, et voilà, quoi. Ah là là, ça c'est grave, hein, d'en arriver là quand même. Imagine-toi la pauvre fille qui est... En plus, ça se trouve, elle était tombée amoureuse, non? Elle était tombée grave amoureuse de lui, elle se projetait dans l'avenir avec lui. Ouais. Et puis depuis quelques jours, je suis obligée de l'aider avec les peu de conseils que j'ai. Ouais. Pour lui remonter la pente. La consoler. Qu'elle remonte la pente. D'ailleurs, s'il fait ça avec les quatre autres, s'il raconte pareil, ça va faire du dégât tout ça, hein. Ah qu'un jour, y a une nana qui peut se foutre en l'air parce que... Voilà, et cette personne-là ne comprend pas. C'est pas facile à détecter, hein, le mytho ou la mytho, hein, c'est... Ouais. Ah non, parce qu'ils sont très... comment on appelle ça? Ils sont... C'est comme des serpents. Voilà, quoi. Mais pour l'instant, elle est complètement dévastée et puis bon, je l'aide. Et elle l'avait rencontré comment? Ça a été une rencontre naturelle, ça a été une rencontre lors d'une manifestation. Ouais. Et puis, et elle a eu un coup de cœur pour cette personne. Ouais. Donc ils ont entrepris une relation. Et quelques mois après, elle a pris ces choses-là, quoi. Bah ouais. Bon, on est tout cœur avec elle, en tout cas. J'espère que ça va s'arranger, qu'elle fasse attention maintenant, hein, même si c'est pas facile. Bah, elle est anesthésiée, je crois. Hein. Ouais. Bon, Sabrina, la journée s'annonce comment pour toi aujourd'hui avec la neige? Tu vas aller skier? Non, moi, là, ça va sur Cluses, il n'y a plus de neige. Ah ouais, je crois qu'il y a encore de la neige. C'est plus en hauteur qu'il y a de la neige. Ouais. Bah, ça va être journée maman parce que je travaille pas aujourd'hui, donc voilà, quoi. Ah bah voilà, tranquillo, ce repos, hein. Ouais. En tout cas, je souhaite à tous un bon mercredi. Ouais. Et puis, vous me manquez, Orléans. Ah bah, tu reviens quand tu veux nous voir dans les studios dès que t'arrives à Orléans, hein. Oui, l'année prochaine. Bah l'année prochaine, hein, on t'attend, on sera encore là, hein. On aura des nouveaux studios tout neufs, tu vois, tout beau, tout neuf. Ah, c'est cool. Ouais. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée à vous tous. Merci Sabrina. Salut. Bisous, bisous. Bisous. Et vous aussi, vous êtes peut-être mytho, vous voulez en parler, eh bien, ça va être dans quelques minutes avec notre invité, Pascal, qui est là. Ça va, Pascal, toujours en forme? Oui, super, mon Francky, bien sûr. Et toujours, toujours en forme. Toujours. Eh bien, on va en parler avec toi dans quelques minutes, juste avant. Sans problème. C'est Kinvé qui arrive. Tu connais Kinvé? Ah ouais, alors ce titre avait été tourné à Orléans, à Chingy, avec Kinvé, puis Saint-Ange, mon poteau. On en parle dans quelques minutes avec toi, Pascal, si tu veux bien. Eh bien, sans problème, mon Francky. Allez, à tout de suite. C'est Kinvé. J'aimerais trop. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Non, non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Alors les îles, mademoiselle est belle. Elle me rend tellement fragile, son sourire m'ensorcelle. Juste un battement de cils, je viens statue de sel. Moi qui ne suis pas docile, je le serai avec elle. Moi perso, je l'ai fait, bien ne m'était trop beau. Conneries là. Mais comment tu parles à ma sœur? J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Non, non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Non, elle ne veut pas, non, non, non, elle ne veut pas, non, non, non, elle ne veut pas, non, non, non, elle ne veut pas. Non, elle ne veut pas, non, non, non, elle ne veut pas. Punta Cabana, on ira tous les deux dans la cabane. Elle goûtera au délice de la Havane. Je n'ai pas plus sexy que cette nana là. Oh mon Dieu, quelle est belle ma métisse. Tu ferais goûter à mes délices. Mes yeux brillent devant cette divine esquisse. Tu n'es peut-être une autre mise, mais c'est pour moi la number one. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Non, non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Tu peux la chercher, oh, tu vas pas la trouver. Mets-toi de côté, oh, pour la laisser passer. Mon ami, tu rêves, car cette fille n'est pas pour toi. C'est Francky dans la radio avec le meilleur de la musique. Et c'est pas des mythos lui. Kinvé, j'aimerais trop qu'elle m'aime. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Elle était sympa Sabrina, Pascal, hein, t'as vu hein. Ouais, sympa, la pauvre, surtout sa copine. Vraiment pas la pauvre, ouais, ouais, pas de bol, hein, on compatit hein, pour sa copine. J'espère qu'elle trouve un mec mieux. Hein. C'est clair. Après, il y a l'inverse, hein, y a les filles aussi, ça, elles font le coup. Hein. Ça arrive aussi. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Justement, on parle de mythos. Ce matin, on a eu Stéphane aussi, tout à l'heure, qui nous a appelé, il y a Sabrina. Alors toi, on voulait te poser une question. Tu vas nous raconter quelque chose. Alors attends, on nous appelle. Moi, on m'appelle de tous les côtés. C'est un truc de fou, dans cette radio. Ce qui est bien, c'est que nous, c'est du direct. On va prendre tout de suite. Allô, qui va là, je te prie, bonjour. Bandilla. Allô. Ah, bon, ça rappellera. Toi, tu vas nous raconter une histoire et je vais essayer de deviner si c'est du mythonnage ou si c'est pas du mythonnage. Ah, alors, une belle et histoire. Oui. Une belle et histoire. Oui, mon cher Francky. Alors, et écoutez oui. Bien l'histoire. Est-ce qu'il est Pascal est un mytho ou alors est-ce qu'il dit la vérité? Vous pourrez aussi répondre. On t'écoute, mon Pascal. Eh bien, chers amis, d'ailleurs, bonjour. Eh bien, écoutez, il y a quelques années, c'était un petit peu dur en France et je me suis dit, allez, tiens, pourquoi pas aller monter une société informatique au Sénégal. Carrément, au Sénégal. Ah oui, carrément. Ah, bah, j'avais envie de soleil aussi, donc. Ouais. En Afrique. Hein. Exactement. C'est combien d'heures d'avion, ça? C'est 5h15, le Sénégal. Ah, ça va, c'est pas très très loin. Ouais, ouais, c'est pas très loin. Bon. Surtout que maintenant, ils ont fait un superbe aéroport, c'est magnifique, c'était magnifique. Donc, t'es parti au Sénégal, en Afrique, au soleil, monter une boîte informatique. Exactement. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris un billet d'avion aller, j'ai pas pris de retour. Mm-hmm. Parce que je me suis dit, quitte à partir, autant partir, et puis on va essayer de réussir là-bas. Ouais. Donc voilà, donc je suis arrivé dans ce joli pays, donc le Sénégal, à Dakar. Et puis, bon, ben voilà, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, effectivement, monter une société d'informatique au Sénégal, ça serait pas mal. Mm-hmm. Ça serait pas mal, parce qu'il y avait quelques manques quand même. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça? Ouais. Mais l'idée, le problème, c'était l'argent. Eh ouais. Parce que, mon cher Francky, tu te doutes bien que j'étais pas parti avec 50 millions de dollars. Je suis parti avec un billet d'aller. Et à l'époque, alors, c'était en francs, bon, allez, on va dire, l'équivalent. Je suis parti, je sais pas, avec 500, 600 euros peut-être à l'époque. Ah, c'est rien là-haut. Ah ouais, oui, non, non. Mais Dakar, c'est peut-être beaucoup là-haut, au Sénégal, non? Ah oui, tu vis bien. Avec 500 euros, tu peux considérer que tu peux, si tu te débrouilles bien, tu peux vivre quand même au moins facilement 2 mois quand même. Ah oui, quand même. Avec 500 euros. Ouais. Avec 500 euros, ouais. Donc t'arrives au Sénégal. C'est ça. Et tu te dis, faut trouver un local, je vais monter une boîte d'informatique au Sénégal. Voilà. C'est ça. Donc tu te dis, bon, bah, il va falloir trouver du monde pour la monter, cette boîte, parce que c'est pas facile. Ah oui. Alors, bon, bah, étant un petit peu un débrouillard, je me suis dit, bon, bah, il faut arriver à rencontrer du monde. Donc j'ai commencé d'abord par chercher un petit boulot. Un informaticien? Non, même pas, pour rencontrer du monde. J'y allais, vas-y, va. Il y avait un petit bar-restaurant qui était super sympa sur la plage. C'était des Belges qui tenaient ça. Ah, des Belges au ouais, Sénégal. Ouais, des Belges au Sénégal. T'as un bon mytho quand même, toi. T'es le bâtard. Non, monsieur Francky. Mais non. C'est que de la vérité, 100% vérité. On va voir. Ah non, c'est que de la vérité. Et donc, j'ai rencontré donc le patron à l'époque. Et puis, ça tombait bien parce que son barman venait partir en vacances. Ouais. Donc, j'ai fait le barman. J'ai fait le barman, comme ça m'a permis de rencontrer un petit peu de monde. Et entre autres, j'ai rencontré un Belge. C'est une histoire belge que tu nous fais là. Non, pas du tout. Un vrai Belge, qui voulait monter aussi une société d'informatique au Sénégal, ça tombait bien. Donc, on s'est rencontrés, on a discuté. Ça a été le premier à dire, pourquoi pas. Un futur associé peut-être. Un futur associé, exactement. Et alors? Et alors, eh bien, avec lui, donc, on a gardé le contact. Il est rentré à Bruxelles. Mmh. Mais comme dans tous ces pays africains, il faut toujours avoir un associé africain. Tu peux pas monter une société. Ah oui, tu peux pas, ouais. Non, tu peux pas monter une société si tu n'as pas. Fallait trouver un Africain, un vrai, un pur et dur. Ouais, de là-haut. Voilà. Donc, dans mon bar, j'avais rencontré un monsieur qui travaillait à la Sénélec. La Sénélec, c'est l'équivalent de l'EDF pour le Sénégal. Voilà. Et il m'a dit, écoute, présentement, si tu veux, je peux te présenter quelqu'un de très bien. Ouais. Alors, je lui dis, écoute, sans problème, ça avec grand plaisir. Donc j'ai rencontré ce monsieur, et ce monsieur c'était un petit peu, je sais plus comment on dit en France, c'est le patronat, le patron des patrons. Ouais, d'accord. Le boss. Tu vois ce que je veux dire? Le boss, quoi. Ouais. Le boss là-haut. Ouais. Voilà. Et puis, ce monsieur, il était pas facile à rencontrer. Pour avoir un rendez-vous, c'était pas facile. Et donc, cet ami, donc, m'a pu avoir ce rendez-vous. D'accord. Voilà. Et puis, alors, l'anecdote est assez drôle. S'il m'avait dit, je sais pas si vous vous rappelez, dans la vérité, si je mens, il y a un moment donné, il y a Ed Boudboul qui sort le cigare. On lui dit, s'il sort le cigare, c'est qu'il va. C'est bon. Et là, il sort un cigare. Bon. Non, il sort pas un cigare. Il sort une bouteille. Non plus. Non, mais il me dit, mon ami me dit, écoute, il va t'écouter, il va pas parler beaucoup, il va t'écouter. Mmh. Et surtout, s'il sort son agenda, c'est bon. Et qu'il te redonne un autre rendez-vous, tu peux te dire que c'est bon, ça va se faire. Bon, alors, on ouvre la partie. On attend. Donc, on attend une petite heure pour voir ce monsieur, puis je suis reçu dans un superbe bureau à l'africaine, magnifique bureau, extraordinaire. Le monsieur se lève, 1m90, une masse extraordinaire. Bon, salut. Donc je raconte ma petite histoire, je dis voilà monsieur, ça serait bien de monter des ordinateurs au Sénégal. C'est bien ça. Ouais. Ah il me dit bon il m'écoute, j'ai fait un peu le laïus, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait monter, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Trouver un local aussi. Un local et tout. Bon. Et puis l'amitude facilite arrive, il me dit, bon, écoutez. Et là il sort l'agenda. Ouais, tu t'es dit. Il sort l'agenda. Je dis là c'est bon. Et donc, il me dit, écoutez, cher ami, on va se revoir. J'ai dit, écoutez, ça compte bien. À ce moment-là, je contacte également mon Belge à Bruxelles. Ouais. À la limite, il vient à Dakar, on se rencontre et peut-être qu'on va pouvoir la monter, cette société. Ah. Eh oui. Et tout ça, du mitonnage, non? Pas du tout, c'est absolument vrai. Pas du tout. C'est absolument vrai. On y croit ou pas? Je ne sais pas, chers amis, si vous allez y croire, mais c'est une histoire vraie. Je peux vous dire, c'est une histoire vraie. Bon, moi, je suis sceptique. On va écouter Edouard Maillard. Et puis, justement, si vous voulez nous appeler 0238-43-48-00 pour nous dire si vous croyez à cette histoire, eh bien, appelez-nous 0238-43-48-00. On va voir si c'est un mytho ou pas, Pascal, ce matin. Est-ce un mytho? T'es un mytho ou pas? Absolument pas. La réponse en 3 minutes? Absolument. Eh ben 0238-43-48-00, vous m'appelez. 0238-43-48-00. Est-ce qu'il est mytho ou pas? Eh ben la réponse dans 3 minutes. C'est un mytho, vous avez écouté l'histoire. Il est parti en Afrique, il a monté une société informatique avec zéro franc à l'époque, parce que c'était des francs. Justement, il y a Benoît qui est en vacances, il est à la montagne. Benoît qui est orléanais. Bonjour Benoît. Salut Francky. Comment tu vas bien ce matin? Moi ça va, bien tranquillement. Je me réveille avec les sommets blancs, le ciel bleu, donc tout va bien. Alors tu m'as envoyé une belle photo sur Messenger, là, sur les réseaux Facebook. Magnifique, ouais, la vue. Ouais, c'est un petit chalet, vous êtes quoi, dans un petit chalet, là? C'est une grande maison, quoi. Ah ouais, sympatoche, la vue, hein, franchement. Ah ouais, c'est super, ici, c'est sur Maurienne, et c'est très très beau, quoi. Ah, tu viens de te réveiller? Tu viens de te réveiller, Benoît? Ouais, je viens de me réveiller, ouais, j'ai une cure de sommeil, là, depuis 10 jours. Ah, ça fait du bien, hein? Ça fait du bien, ouais. Tu as écouté l'histoire de notre ami Pascal, en direct ce matin, sur Radar Français, il est parti en Afrique. Donc, Pascal... qui est parti avec rien du tout en Afrique pour créer une société, ouais, bah j'y crois. T'y crois? Je pense qu'en Afrique, on peut faire des trucs comme ça. Ah ouais, bon, on va voir la réponse. Alors, Pascal, dis-nous la réponse. Est-ce que t'es un mytho ou pas, Pascal? Est-ce que c'est vrai? Non, non, Benoît a trouvé. Non, non, c'est vrai. Il y a quelques années, je suis parti au Sénégal et j'ai monté une société. On l'a montée exactement comme je vous l'ai dit. On a trouvé un local. Ça a été un peu galère après pour faire les papiers, mais après, on s'en est bien sorti. Et la société s'appelait Barcom et on faisait de l'assemblage informatique au Sénégal. Bah voilà, bravo, Benoît. Ah d'accord, bah bien même. Bah bravo, tu vois, t'as senti... Alors. T'as senti le mec qui était pas mytho quand même, hein. Ouais, non mais l'histoire en Afrique, surtout au Sénégal, j'y croyais. Ouais, bah voilà. Bah bravo Benoît. Bravo mon ami. Tu rentres quand, Benoît, toi? Moi je rentre samedi. Samedi, là? Oh bah ça va être bien, alors. Samedi je rentre, ouais. Bah profite de cette montagne, du ski, profite de prendre l'air, ça fait du bien un petit peu l'air de la montagne, hein. Exactement, l'air pur, ouais. Merci, mon ami. Merci Francky, à bientôt. Belle journée à toi. Bonne journée Benoît. Salut Benoît. Tu vois, t'étais pas un mytho alors. Ah, tu vois. Je l'avais dit, moi. Ah, ouais. T'as eu des doutes quand même, ouais. Ah, j'ai hésité. Hein. En tout cas, une belle histoire. On aurait pu croire que c'était du mythonnage quand même. Hein. Ouais, on aurait pu croire. Mais non, c'était du vrai, c'était du vécu. Merci pour cette intervention, Pascal, pour cette belle histoire d'Afrique. Et merci pour ton accueil, Francky, toujours un plaisir de te voir. Bah, tu reviens quand tu veux, mon ami. Sans problème. Et avant 9h, peut-être que vous avez une autre anecdote, avant 9h, vous pouvez nous appeler, hein, 02 38 43 48 00. Voici Willy William, avec toute la famille DJ Assad et Alain Ramanissium sur Radar Arc-en-Ciel. Shoulder back and pull over. Send me a good driver to the motel. When you see the firm money there, we can do shit. But you see a run in that spell already. Send me swing the clutch and start me like a train for one in the head. Yeah, the last year, but you like it. I'm with it. Lamborghini design it. So when you're parking, make sure you recline it. famille, là, Willy William, dit déjà ça dans la Ramanition, l'île de la Réunion. Ah, bah, c'était vrai l'histoire, hein, Pascal, hein, belle histoire, hein, il a vraiment été au Sénégal, hein, c'est Benoît qui a découvert. Merci à Benoît qui passe ses vacances à la montagne, il se repose, le petit Benoît. En tout cas, super mec, Benoît, qu'on recevra bientôt à la radio, la bande FM du Loiret. Ah ouais, vous allez voir, un collectionneur d'affiches, de tout, un fan de radio comme jamais personne n'aura vu sur la planète. Et je peux vous dire, on adore quand il vient nous raconter ses petites histoires à la radio sur Radio Arc-en-Ciel Orléans. En plus, il habite juste à côté de la radio, hein. Coach Robin, pour le meilleur des souvenirs qui arrive, et ça vous adorez aussi. When Your Hand Is Weak, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis Victor, dans quelques minutes, belle journée, bon réveil pour vous qui venez de vous réveiller, comme Benoît qui vient juste de se réveiller. Bah, tout doucement. Chut, pas bien, pas. Coach Robin. D'ailleurs, Coach Robin, When Your Heart Is Weak, je vous laisse avec Victor. Je vous retrouve demain matin, 7h-9h. Passez une excellente journée. Rendez-vous demain, 7h-9h. Salut la famille. Calinette Nettoyage, 117 route nationale, 45 140 Ingrée, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espace vert, le nettoyage de vos